إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 44 dans l'explication du livre Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah, et on lit avec les explications des ulama, Cheikh Ibn Baz et également Cheikh Salih Al-Sheikh et d'autres également. Donc au dernier cours on avait parlé de la parole de l'imam Ibn Abi Zamanin. Ibn Abi Zamanin, un des grands savants de l'Andalousie de l'époque, et c'était un grand savant maliki, hein, parmi les imams de al-Malikiyya, et il a écrit un livre qui s'appelle As-Sunna ou bien Usul As-Sunna. Dans ce livre il supporte ou il défend les principes et les fondements de la croyance chez les ulama d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc parmi les points qu'il discute ou qu'il clarifie dans son livre, il y a, comme on a lu au dernier cours, Babun al-Imanu bil-Arsh. Et après, on a lu un autre chapitre du livre, c'était Al-Bab al-Imanu bil-Hujub. Et je pense qu'on s'était arrêté là au dernier cours, Al-Imanu bil-Hujub. قال من قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وذكر آثارا في الحجب ثم قال في باب الإيمان بالنزول. Donc il a mentionné la parole, c'est-à-dire dans son livre, le chapitre de la foi en les voiles. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est voilé de sa création. Et il a dit que ça fait partie de la foi des gens de la sunna que Allah subhanahu wa ta'ala, il est séparé de sa création. Dans le sens qu'il n'est pas mélangé avec sa création. Contrairement à ce que disent les soufiyins et les jahmiyyah, les gens de bid'ah, qui prétendent que Allah est mélangé avec ses créatures, ou mélangé avec sa création. Hein? Donc, les gens de la sunna, ils disent que Allah est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, et qu'il est séparé de sa création. Et ils disent également qu'il s'est voilé de sa création. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est couvert de voile. Hein? Et, parmi les explications à ce sujet-là, il y a quelques clarifications. Par exemple, min aqidati ahli sunnati wal jama'a anna Allah muhtajibun an khalqihi bil hujub wa la yastati'u an yarahu ahadun fi ad-dunya li'anna al-absar wal ajsam khuliqat fi ad-dunya lil fana falaw kashafa Allah hadhihi al hujub hala wujud an-nas fi ad-dunya لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ولندكت كما اندك جبل موسى والله أعلم بكيفية هذه الحجب ومقدارها ولكن يوم القيامة تركب الأبصار للبقاء وتعطى قوة لم تكن لها حال خلقها في الدنيا لذا تتحمل أو تحتمل النظر إلى جبار السماوات والأرض. Donc parmi la croyance des gens de la Sunna, c'est que Allah s'est voilé de sa création par des voiles et personne n'est capable de voir Allah dans cette dunya. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les corps et la vue des hommes pour avoir un terme, pour dans le sens qu'on va tous, on n'est pas créé pour rester dans cette dunya, on est créé pour mourir, pour périr. Et donc on n'est pas capable de supporter de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. Et si Allah subhanahu wa ta'ala retirait son voile alors que nous sommes dans cette dunya, eh bien tout ce qui est touché par l'éclat de son visage serait brûlé. Tout ce qui est touché par l'éclat de son visage serait brûlé. Comme si l'éclat de son visage brûlerait tout ce qu'atteint son regard. Il y en a tout ce que son regard atteint dans sa création. Et donc, même les montagnes seraient pulvérisées à la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans l'exemple de la montagne avec Moussa alayhi salam, lorsqu'il a demandé à voir Allah. Lorsqu'il a demandé à voir Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, tu vas pas me voir, mais regarde la montagne. Si elle reste sur place, tu vas me voir. Et lorsque Allah s'est manifesté à la montagne, elle s'est pulvérisée. Elle est devenue comme de la poussière. Et c'est écrasé complètement. Et à ce moment-là, Moussa alayhi salam est tombé sans connaissance. Et donc, c'est pour dire que personne n'est capable de supporter de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas. Mais au jour de la résurrection, par contre, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que on soit capable de supporter et de le voir. Il va donner à notre corps et à notre vue une force qui va faire en sorte qu'on va être capable de résister et de ne pas brûler en le regardant. Et donc ça c'est l'explication à ce sujet-là. Et ça fait partie également de la foi des gens de la Sunna d'affirmer qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Ça fait partie de nos croyances. Toutefois, on nie l'idée que certains des soufis ont qu'on est capable de le voir dans cette vie d'ici-bas, avec nos yeux. Ça, il n'y a personne qui dit ça parmi les gens de la Sunna. Et ceux qui disent ça, c'est des gens de l'égarement. Et la preuve des voiles, c'est par exemple, il y a des preuves dans le Coran et il y a des preuves dans la Sunna. Parmi les preuves dans le Coran, il y a la mention ici du verset وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا. Donc ça veut dire il n'appartient pas que Allah subhanahu wa ta'ala parle à un être humain excepté par révélation إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ou derrière un voile أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ou il envoie un ange ou un messager plutôt. Donc, c'est pour dire que ça c'est la preuve que Allah il se couvre par des voiles. C'est mentionné le terme hijab que Allah est voilé dans le Coran. Également dans les hadiths, il y a un hadith qui est mentionné selon Abu Musa al-Ash'ari rapporté par l'imam Muslim dans Kitab al-Iman. Il dit قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. Donc il dit Allah عز وجل il ne dort pas et il ne convient pas à Allah de dormir. Donc Allah il n'a pas cette imperfection là de dormir. يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. Donc le point du hadith qui est au sujet de qu'est-ce qu'on veut mentionner ici, la preuve, c'est au sujet de yani, le fait que son voile est un voile de lumière. Donc, le voile d'Allah, c'est un voile de lumière. Et dans une autre narration, de feu, c'est-à-dire un voile de feu. Si il, yani, si il retirait ce voile de son visage, eh bien l'éclat de son visage brûlerait tout ce qui est atteint par son regard dans sa création. D'accord? Donc on ne peut pas yani, voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. Et donc ça c'est la preuve. Et nous on affirme qu'est-ce que Allah a affirmé et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé. Et on ne cherche pas à savoir le comment. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'essayer d'imaginer comment est le voile, comment est Allah, comment il est son visage, comment sont ses yeux. On n'a pas le droit d'essayer d'imaginer ça. Et on ne peut pas le savoir non plus. Le comment, c'est seulement Allah qui le connaît. Et وَالنُّصُوصُ وَالْأَثَارُ فِي ذَلِكَ كَثِيرًا. Il y a beaucoup de textes et de narrations et de paroles des ulama à ce sujet-là. وَعَقَدَ الْأَئِمَّةِ فِي هَذَا الْمَوْضُوعَ أَبْوَابًا وَأَوْرَدُوا فِيهِ النُّصُوصُ وَالْآثَارَ الدَّالَّةَ عَلَى ذَلِكَ. قال الإمام الدارمي في كتابه الرد على الجهمية باب الاحتجاب وساق بعد النصوص والآثار. Donc l'imam al-Darimi, il a écrit un livre qui s'appelle « La réfutation des Jahmiyyah », qui est une des sectes des Garma, parmi les sectes des Garma, qui nie les noms et les attributs d'Allah. Donc pour le réfuter, il rapporte les versets et les hadiths qui affirment les attributs d'Allah. Et parmi les chapitres de son livre, il y a un chapitre qui s'intitule « Le chapitre du voile ». Hein, le fait que Allah s'est voilé de sa création. Et il a mentionné dans ce chapitre les textes et les narrations au sujet de cette question-là. ثم قال من يقدر قدر هذه الحجب التي احتجب الجبار بها ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ففي هذا أيضا دليل على أنه بائن من خلقه محتجب عنهم لا يستطيع جبريل مع قربه إليه الدنو من تلك الحجب. انتهى كلامه. Donc l'imam al-Darimi il a dit qui est personne est capable de savoir la mesure ou يعني la proportion de ces voiles. Excepté Allah, celui qui s'est voilé de ses voiles. Personne donc ne peut savoir le comment de ses voiles et comment ils sont et comment Allah s'est voilé. Excepté Allah, celui qui connaît toutes choses et qui a calculé toutes choses. Et il y a dans le fait que Allah s'est voilé de sa création une preuve qu'il est séparé de sa création. Il y a dans le fait que Allah s'est séparé, il y a dans le fait que Allah s'est voilé de sa création une preuve qu'il est séparé de sa création, et même Jibril, malgré sa proximité, du fait qu'il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il n'est pas capable de se rapprocher de ses voiles. Il n'est pas capable de se rapprocher de ces voiles-là. Et c'est comme l'exemple lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est monté dans Al-Isra wa al-Mi'raj au septième cieux, au-dessus des cieux, eh bien il est arrivé à un endroit où Jibril ne pouvait même plus avancer. Il a dit à partir d'ici moi je ne peux plus continuer. Alors il s'est approché et Aïcha radiallahu anha elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as vu Allah? Et il a répondu, il a dit Nourun anna ara, hein? C'est-à-dire c'était de la lumière, je pouvais pas comment j'aurais pu le voir, hein? Donc il n'a vu que de la lumière, il ne pouvait pas voir Allah, hein? Et donc, ça c'est l'explication au sujet des voiles en question qu'on a mentionné au dernier cours. Naam. Maintenant, par rapport au, à la question de qu'est-ce qui suit dans le livre, il y a la question de An-Nuzul maintenant. C'est-à-dire que parmi les fondements d'Ahl-Sunnah al-Jama'a, il faut croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il descend. C'est-à-dire, il descend au dernier tiers de la nuit. Donc, on va lire qu'est-ce que l'imam Ibn Abi Zamanin a rapporté à ce sujet-là. Donc, il dit, « قال, ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمن بذلك من غير أن يحدوا فيه حداً وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق وقال ابن وضاح سألت يوسف ابن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا سألت عنه ابن معين فقال أقر به ولا أحد فيه حدا وقال محمد قال محمد يعني ابن أبي زمنين وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض وهو أيضا بين في كتاب الله وفي ما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال وهو القاهر فوق عباده وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال تعالى بل رفعه الله إليه. Donc ça c'est quelques-unes des preuves qui sont mentionnées ici. Clarifier quelque chose durant la traduction. Ici il dit, donc l'imam Ibn Abi Zamanin, il dit parmi les paroles de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est qu'on doit croire que Allah il descend au dernier des cieux, c'est-à-dire le ciel de la dunya. Notre ciel, on sait que notre ciel, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel la nuit, les étoiles et tout, ça c'est le ciel, c'est le premier ciel pour nous. Et au-dessus de ce ciel, il y a d'autres cieux encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend au dernier des cieux, il descend à ce ciel, le ciel de la dunya. Il descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit. Comme c'est mentionné dans le hadith. Il demande, est-ce que quelqu'un voudrait me demander quelque chose pour que je lui pardonne, ou que je l'exauce, ou que je lui donne ce qu'il me demande. Donc ça c'est la preuve à ce sujet-là. Donc il dit, il croit donc qu'Allah descend au dernier des cieux. Et ça s'il descend, c'est la preuve qu'il descend d'en haut. Donc ça c'est une preuve qu'Allah est au-dessus de sa création. Bien entendu, on ne pose pas la question comment est-ce qu'Allah descend, ou des choses de ce genre, ou commencer à essayer d'imaginer la descente. On doit comprendre et on doit croire que Allah descend, et on doit savoir que il descend, mais d'une manière qui est différente de ses créatures et qui n'implique aucune imperfection et aucun défaut pour lui. Hein? Et mais demander le comment, ça c'est une bid'a et c'est haram, on n'a pas le droit. Maintenant il dit, il croit en cela, min ghayri an yahuddu fihi haddan. Donc ici, juste pour expliquer cette expression-là, Cheikh Ibn Baz, dans son charh, il explique, il dit, قال سماحة الشيخ رحمه الله لا يحد حدا يعني على ما جاء في النصوص يعني ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير أو الثلث الآخر فيقول سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر وفي اللفظ الآخر هل من سائل فيعطى سؤله وهل من مستغفر فيغفر له وهل من تائب فيتاب عليه فأهل السنة يمرونه كما جاء بغير تأويل ولا تفسير ولا حد أما من قال ينزل ربنا يعني ينزل ثوابه أو أمره أو ملك من الملائكة فهذا تأويل باطل وهذا إلحاد في الحديث نسأل الله السلامة. Donc Cheikh Ibn Baz il explique ce hadith, il explique cette question. Il dit, quand il dit la yahuddu fihi haddan, c'est-à-dire ils ne vont pas mettre une définition ou bien ils vont pas mettre une limite dans la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Ibn Baz il dit, selon ce qui est mentionné dans les textes, c'est-à-dire qu'on doit comprendre cette parole la yahuddu fihi haddan ou la yahuddu haddan dans le sens de qu'est-ce qui est mentionné dans les textes, c'est-à-dire que dans le hadith c'est dit que notre Seigneur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au ciel de la dunya, le dernier des cieux, chaque nuit lorsqu'il ne reste que le dernier tiers. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, qui veut m'implorer pour que je l'exauce? Qui veut me demander pour que je lui donne? Et qui veut me demander pardon pour que je lui pardonne? Jusqu'à ce que l'aube éclate, hein, jusqu'à ce que vienne l'aube. Et dans une autre narration de ce hadith, ça dit, est-ce que quelqu'un veut me demander pour que je lui donne ce qu'il me demande? Est-ce que quelqu'un veut me demander pardon pour que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est repentant, qui vient se repentir pour que j'accepte sa repentance? Donc ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit chaque nuit, dans le dernier tiers de la nuit, lorsqu'il descend au dernier tiers de la nuit. Alors, les gens de la sunna, ils prennent ces textes, Cheikh Ibn Baz il dit, les gens de la sunna, ils prennent ces textes tels qu'ils sont. Hein, tels qu'ils sont. Et ils n'essaient pas de les déformer de leur sens, ou de leur donner une autre interprétation, ou de les définir d'une manière incorrecte, comme le font les gens de bid'a, comme les Jahmiyyah, qui veulent nier les attributs, ou des choses comme ça. Donc, en ce qui concerne la parole ou le hadith qui dit Yanzilu Rabbuna, ça c'est clair, notre Seigneur descend. Hein? Donc on le prend tel quel. Mais les gens de Bid'a, le Cheikh, ils disent Yanzilu Rabbuna, ils disent Yanzilu Thawabu Rabbina. Ou bien ils vont dire Yanzilu Amru Rabbina. Ou bien Yanzilu Malak. Hein? Malakun min al Malaika. Donc eux, ils interprètent ce hadith en disant, c'est pas Allah qui descend, mais c'est sa récompense, ou c'est son commandement, ou c'est son ange, un ange parmi les anges. Et le Cheikh Ibn Baz, il dit, cette interprétation est complètement fausse. Et c'est une forme de, forme de falsification, hein, et de dénaturation du hadith. Parce que tu le fais sortir de son sens réel et de sa signification dans la langue arabe. Et donc, ça ne tient même pas debout. Si tu prends leur interprétation et tu le mets dans le hadith tel qu'il est, tu vois que ça ne tient pas. Parce que ça voudrait dire que, par exemple, la récompense d'Allah descend et elle demande qui veut me demander pour que je l'exauce. Est-ce que la récompense d'Allah peut exaucer? Non. Ou bien l'ange. Est-ce que l'ange a le droit de dire qui veut me demander pardon pour que je lui pardonne? C'est Allah qui pardonne, c'est pas l'ange. Hein? Et la même chose pour l'ordre d'Allah. Est-ce que l'ordre d'Allah descend seulement au dernier tiers de la nuit? Ou bien l'ordre d'Allah descend à tout instant? Hein? Donc, c'est clair que l'ordre d'Allah et son commandement descend à tout instant. C'est pas seulement au dernier tiers de la nuit. Donc, leur interprétation, elle est fausse, elle tient pas. Et donc, c'est pour ça que les ulama d'Ahle Sunna, ils réfutent les fausses interprétations des Jahmiya quand ils essaient de déformer le sens des attributs d'Allah dans le but de les nier. Et ça, c'est l'explication de Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, à ce sujet-là. Et pour rajouter un peu plus de clarification sur la question, de An-Nuzul, pardon. Donc, sifat an-nuzul, kasa'ir sifat, يجب الإيمان بها من غير تكييف لهذه الصفة. Donc l'attribut de la descente d'Allah, comme toutes les autres attributs, que ce soit le fait qu'Allah s'élève au-dessus de son trône, ou que Allah vient au jour de la résurrection, ou la main d'Allah, ou les yeux d'Allah, ou le rire d'Allah, ou par exemple le fait qu'Allah a une miséricorde, le fait qu'Allah a ainsi de suite, hein, tous ces attributs là eh bien il faut les prendre telles qu'elles sont et les accepter et les affirmer sans essayer de chercher à connaître le comment et la description. On les affirme telles quelles et on n'essaie pas de déformer leur sens ou de dire la main ça veut pas dire la main, ça veut dire une force, ou par exemple les yeux ça veut pas dire les yeux, ça veut dire la grâce, ou ça veut dire autre chose comme ça. Hein? Ça, c'est des fausses interprétations. Et nous, on dit, on n'a pas à déformer le sens des attributs d'Allah, on les prend tels quels. Et ceux qui disent, ah, oh, mais si tu les affirmes, ça veut dire que tu fais ressembler Allah à sa création, parce que les êtres humains ont des mains, et les animaux ont des mains. Donc si tu dis qu'Allah a une main, tu fais ressembler Allah à sa création. Et nous, on dit non. Parce que Allah dit, qu'il n'y a rien qui lui ressemble dans sa création. Donc même si tu affirmes la main, tu dis oui, on affirme la main, Allah a une main, la créature a une main, mais Allah a une main qui lui convient, et la créature a une main qui convient à la créature, et elle n'est pas comparable. La main d'Allah n'est pas comparable à la main de la créature. D'accord? Et ici aussi, ensuite, il y a un point aussi par rapport à la descente d'Allah. Certains parfois ils disent oui, mais la terre est ronde, et donc à chaque fois que la terre, comme la terre par rapport au fait que si ici c'est la nuit, il descend au dernier tiers, mais après ce sera la nuit ailleurs. Donc est-ce que il descend à chaque fois aux différentes places sur la terre? Ça, c'est des choses qu'on doit même pas se poser comme question. Déjà, ça rentre, ça veut dire que tu rentres dans le kayf. Tu essaies d'imaginer le comment de la descente d'Allah. Et c'est pour ça que tu rentres avec ces questions-là pour essayer de. Souvent, les gens de Bid'ah, c'est ce qu'ils font. Ils ramènent des questions comme ça pour créer des shubuhat aux gens, puis pour arriver à la conclusion de nier, hein, les attributs d'Allah et ce que Allah a dit dans le Coran. Donc, t'as pas essayé de rentrer à poser des questions à propos du rêve et à propos de choses que ton cerveau est limité, il peut même pas comprendre. Non, limite-toi à ce que Allah a dit et affirme-le. Essaye pas de l'imaginer ou de savoir le comment et tu vas être sauvé. Et donc le cheikh il dit: وَقَدْ عَقَدَ الْعُلَمَاءُ لِذَلِكَ الْأَبْوَابَ وَالْفُصُولَ بَلْ صَنَّفُوا فِيهَا كُتُبًا مُسْتَقِلَّةً. C'est-à-dire, sur l'attribut de An-Nuzul, il y a même des livres qui ont été écrits sur ce sujet-là seulement. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, il a même un livre qui s'intitule Hadith An-Nuzul, Sharh Hadith An-Nuzul. Donc, ça veut dire qu'il a écrit un livre pour expliquer le hadith de la descente d'Allah, juste pour un livre au complet, un livre gros comme ça, juste pour expliquer ce hadith-là. et pour réfuter les sectes et les gens qui ont dévié hein, dans cette question-là. Et parmi les ulama qui en ont parlé dans leur livre, il y a l'imam Al-Ajurri dans Al-Sharia, il en parle. Il dit باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة. Et ensuite il mentionne, il dit ثم قال الإيمان بهذا واجب ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل ولا يرد هذا إلا المعتزلة وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف. Donc il dit que la foi en cela est obligatoire et il n'est pas permis à un musulman raisonnable de dire comment est-ce qu'il descend. Parce que personne ne rejette le fait que Allah descend au dernier des cieux, excepté les gens de Bid'a comme les Mu'tazila. Tandis que les gens de la vérité, eux, ils disent, nous y croyons et c'est obligatoire d'y croire sans chercher le comment. لأن الأخبار صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة. Donc il a dit parce que ça a été affirmé et mentionné dans des hadiths authentiques que Allah subhanahu wa ta'ala descend dans les derniers tiers de la nuit au ciel, au dernier des cieux. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et c'est rapporté par selon Abu Huraira dans Sahih Al-Bukhari. Et c'est rapporté également dans Sahih Muslim selon Abi Sa'id al-Khudri et Abu Huraira et d'autres également. C'est des hadiths qui sont du plus haut niveau de l'authenticité. Donc ils ne peuvent pas dire non, on ne l'accepte pas. Hein? On ne l'accepte pas parce qu'il est sahih, le hadith. Et ils ne peuvent pas le déformer son sens parce que s'ils le déforment, ça ne tient pas. Comme on l'a vu tout à l'heure. Et souvent, une des ruses qu'ils vont avoir ou qu'ils vont ramener, c'est essayer de dire, ouais, mais c'est ahad. C'est des ahadiths qui sont ahad. Et ça, c'est une des divisions dans le hadith que les Mu'tazila ont inventé pour se donner un prétexte pour pouvoir rejeter les hadiths qui ne font pas leur affaire. Donc, ils ont dit, si un hadith est rapporté par un petit nombre de personnes, on n'a pas le droit, on ne doit pas l'utiliser dans les questions de croyance. Dans l'aqidah, on n'utilise pas l'ahadith ahad. Et pourtant, pour les gens d'Ahl al-Sunnah al-Jama'a, on n'a jamais refusé un hadith parce qu'il était rapporté par un petit nombre. L'important, ce n'est pas qu'il soit rapporté par un petit nombre ou un grand nombre, mais l'important, c'est qu'il soit sahih. Et du moment qu'il est sahih, il doit être accepté, que ce soit dans la pratique religieuse ou dans l'aqidah, yani, qu'il soit ahad. Ou non, il doit être accepté s'il est authentique. Ça, c'est la voie et c'est le manhaj de Ahl al-Sunnah al-Jama'a par rapport à ces questions-là. Il y a aussi l'imam Ibn Khuzaymah qui a parlé de cette question-là dans son livre At-Tawhid et il a dit Bab zikru akhbarin thabita thabitat as-sunnah as-sahiha yani fi as-sunnah as-sahiha. أين القوام والقوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وعلمنا أنه ينزل ثم قال فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول متكلفين القول بصفة من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفة الكيفية ثم قال وفي هذه الأخبار ما بأن ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه. أي نعم. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il a mentionné celui-là. Il y a des exemples dans le livre de l'imam Ibn Khuzaymah à ce sujet-là. Il dit la même chose, qu'il faut affirmer ces attributs-là, le fait que Allah descend au dernier des cieux à chaque nuit, et on l'affirme avec notre langue et on y croit avec notre cœur et on y est convaincu, parce que c'est des choses qui sont rapportées dans les textes authentiques du fait que yani, la mention de la descente de notre Seigneur est claire dans ces hadiths-là, sans toutefois rentrer dans la description du comment. Et pourquoi? Parce que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas décrit le comment de la descente de notre Seigneur au dernier des cieux, mais il nous a fait savoir qu'il descendait. Et donc nous on croit en cela et on le dit. Et il mentionne donc tout ça. Puis il mentionne aussi la parole de l'imam Ad-Darimi qui parle de ça aussi. Puis il cite aussi l'imam Ad-Daraqutni dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Kitab al-Nuzul. Donc il a écrit un hadith, un livre comme ça. Puis le Cheikh al-Islam qui a écrit le livre Sharh Hadith al-Nuzul, qui est un livre qui parle que de ce sujet-là. Donc tout ça c'est des exemples, il y en a d'autres aussi qui parlent de ça. Donc ça c'est par rapport à la foi en al-Nuzul. Naam. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite l'imam Ibn Abi Zamanin? Il cite des imams qui ont parlé de ça. Il dit وذكر الحديث من طريق مالك وغيره. Il a rapporté le hadith selon la narration de Malik et d'autres, jusqu'à ce qu'ils disent par la suite et Wahb ibn Abi Wahb nous a dit selon Ibn Waddah, selon Zuhair ibn Abbad. Si tu veux, tu peux prendre le coussin et le mettre ici. Tu vas être plus proche. Parce que là, tu es très loin. Je suis obligé de me tourner comme ça. Non. Est-ce que tu as froid? Non? Vous n'avez pas froid? Un peu? Si tu veux, tu peux monter un petit peu le chauffage. Mets-le jusqu'à 25. Puis ça va réchauffer un petit peu. Ouvre-le. Puis regarde les petits boutons en bas, les deux, la flèche vers le haut. Mets-la à 25. T'as chaud? Ouais? Ok. Ouais, parce que toi tu viens de la France, lui vient de l'Afrique là. Non, c'est une blague. Hein. Ça fait longtemps qu'il a quitté l'Afrique. Mais des fois il y en a qui sont plus frileux que d'autres. Donc ça va. Donc il dit ensuite, selon Kanaanda Kasual. Ah, ok. Selon Zuhair ibn Abbad, il dit, j'ai rencontré des machères, hein, ceux que j'ai rencontrés parmi les machères, c'est-à-dire les ulama, comme Malik, l'imam Malik, Sufyan al-Thawri, Al-Fudayl ibn Iyad, Isa. Qu'est-ce qu'il veut dire par Isa ici? Isa. Il parle de peut-être de Isa, wa huwa Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq Abu Amr al-Hamadani al-Subay'i al-Kufi wa kana min al-Mujahidin al-Murabitin imam qudwa hafiz qala al-Zahabi kana wasi'u al-ilm kathiru al-Rihla wafiru al-Jalala tuwfiya sanata 87 wa 100, c'est-à-dire en l'an 87. Il est mort en 187. C'était Isa ibn Yunus al-Kufi. Donc tous ces imams, Malik, Sufyan al-Thawri, Fudayl ibn Iyad, Isa, Abdullah ibn al-Mubarak, Waqi', hein, tout ça c'est des grands savants, des grands imams. Ils ont tous dit al-Nuzul haqq. Ils ont tous dit la descente est véridique, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala descende au dernier des cieux, au dernier ciel de la nuit, c'est une vérité, c'est quelque chose de vrai. Ensuite il dit Ibn Waddah. Ibn Waddah, c'est qui Ibn Waddah? Est-ce qu'on avait déjà donné sa biographie? Ibn Waddah, il me semble que oui. Ibn Waddah, c'est un des imams, il a écrit un livre même sur l'aqida. Ibn Waddah, huwa Muhammad ibn Waddah ibn Bazir, Abu Abdullah al-Qurtubi, Mawla Abdurrahman ibn Muawiyah, Ala anhu ibn al-Fardi, قال عنه ابن الفرد كان عالما بالحديث بصيرا بطرقه متكلما على علله كثير الحكاية عن العباد وزاهدا انتهى كلامه توفي سنة 87 و200. Donc il est mort en l'an 287. Et c'était un cheikh de l'Andalousie, de la ville de Qurtuba. Ok, Ibn Waddah. Il a un livre aussi sur la aqida, si je ne me trompe pas. Inam. Donc il a dit, j'ai demandé à Yusuf ibn Adi au sujet de An-Nuzul. Yusuf ibn Adi. Yusuf ibn Adi, c'est qui? Yusuf ibn Adi, huwa Yusuf ibn Adi ibn Zurayq ibn Ismail Abu Ya'qub al-Taymi al-Kufi aqama bi Misr wa hadatha biha ila an tuwfiya sanata 32 wa 200. Donc 200, il est mort en 232 en Égypte. Donc il n'y a pas plus de détails à son sujet. Donc on lui a Ibn Waddah, il a posé la question à Yusuf ibn Adi au sujet de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala au dernier des cieux durant le dernier tiers de la nuit. Il a dit oui, j'y crois. Oui, j'y crois et je ne fais pas de je ne donne aucune définition, c'est-à-dire je ne vais pas donner aucune définition dans le sens que il veut pas donner les définitions et les interprétations des Jahmiyyah qui essaient de nier le hadith. Qui vont dire, par exemple, comme on a mentionné tout à l'heure, au lieu de dire que c'est Allah qui descend, ils disent c'est l'ordre d'Allah. Ou ils vont dire c'est l'ange. Ou ils vont dire c'est, par exemple, qu'est-ce qu'ils disent encore? C'est l'ordre ou c'est l'ange, ou bien c'est que c'est sa récompense. Ouais, sa récompense ou son ordre ou un ange parmi les anges. Et on a expliqué pourquoi c'était pas possible. Pourquoi c'était faux? Parce que l'ange peut pas dire qui va me demander pardon pour que je lui pardonne. Parce que c'est pas l'ange qui pardonne, c'est Allah. Ou bien l'ordre d'Allah. Ça peut pas être l'ordre d'Allah qui descend seulement à ce moment-là, puisque l'ordre d'Allah descend à tout moment. Et la même chose pour la récompense d'Allah. La récompense d'Allah va pas dire aux gens qui va m'invoquer pour que je lui réponde. Donc ça c'est des réfutations faciles et comme claires de la fausseté de leur interprétation. Donc les salafs, c'est ce qu'ils ont dit. Et il dit, j'ai demandé à ce sujet-là, c'est-à-dire à propos de Nuzul, à Ibn Ma'in. C'est quoi? Ibn Ma'in, c'est Ali? Non, Ali ibn al-Madini. Et Ibn Ma'in, c'est qui? Ibn Ma'in, c'est quoi son prénom? J'ai oublié. C'est un des grands ulama, Ibn Ma'in. Il dit, Na'am uminu bihi, wa sa'altu Ibn Ma'in. Ibn Ma'in, wa huwa Yahya. Yahya ibn Ma'in. Il est un très grand savant de hadith parmi les imams. Donc Yahya ibn Ma'in, ibn Aoun, ibn Ziyad, ibn Sutam, Abu Zakariya al-Murri, Mawlahum al-Baghdadi, wa kana imaman aliman haziqan fi naqd al-rijali, wa kutubi al-jarh wa al-ta'dil tazakhara bi aqwalihi. Aynam. Wa ruwiya anhu annahu qal, katabtu بيدي ألف حديث انتهى كلامه. وقال علي بن المديني ما أعلم أحدا كتب ما كتب يحيى بن معين انتهى كلامه. ولد سنة 58 و100 وتوفي سنة 33 و200. Donc يحيى بن معين, un des grands imams parmi les imams de l'islam, il était très fort dans la critique des narrateurs et des hommes. Donc il a de nombreuses critiques par rapport au narrateur et au savant. Et donc parfois il y en a dans les livres de Jarh ou Ta'dil, tu trouves souvent sa mention parce qu'il était parmi les savants qui étaient forts dans ce domaine de Jarh ou Ta'dil. Il dit, ça a été rapporté à son sujet que il a écrit avec sa main plus de 1 million de hadiths. Plus de 1 million de hadiths. Et il dit que Ali ibn al-Madini a dit, je ne connais pas personne qui a écrit ce que Yahya ibn Ma'in a écrit comme hadith. Donc il dit ensuite, il est né en l'an 158 et il est mort en l'an 233. 158 et il est mort en l'an 233. Donc ça, c'est des grands imams parmi les imams de l'islam, c'est des grands ulama. Donc il dit, Ibn Waddah, il dit, j'ai demandé à Ibn Ma'in, Yahya Ibn Ma'in, et il a dit, uqirru bihi wa la ahuddu fihi haddan. C'est-à-dire, j'y crois et yani, je rentre pas dans les détails de définition des fausses interprétations des Jahmiyyah. Après il dit, وقال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه. Donc il dit que Muhammad, c'est bien entendu Ibn Abi Zamanain. Il dit ce hadith, dans ce hadith Allah subhanahu wa ta'ala clarifie qu'il est au-dessus de son trône, qu'il est sur son trône dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux et non pas sur la terre. Et il dit, et également, il explique dans son livre, il explique cela dans son livre, et c'est expliqué dans plusieurs hadiths du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, là, il commence à énumérer et à citer plusieurs versets dans lesquels il y a l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Et donc, il va citer, par exemple, le verset 5 dans Surat al-Sajda. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. Donc on va lire certaines de ces traductions là par rapport à qu'est-ce qui est expliqué dans ces versets. Donc dans Sourate As-Sajda, le verset 5. As-Sajda, le verset 5. Du ciel à la terre, il administre l'affaire. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il administre l'affaire du ciel à la terre, laquelle ensuite monte vers lui, en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc ça, c'est pour dire que les choses montent vers Allah subhanahu wa ta'ala, et lui, il gère les choses de, yani, il dit, il du ciel à la terre, il administre l'affaire. Donc ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala était au-dessus de sa création. Le verset 16 et 17 dans Surat Al-Mulk, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il est dans les cieux. Ça aussi, c'est des preuves. Il dit, c'est lui qui vous a, ok, êtes-vous à l'abri que celui qui est aux cieux? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Êtes-vous à l'abri que celui qui est aux cieux vous enfouisse en la terre et voilà qu'elle tremble? Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est aux cieux envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Donc ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, dans les cieux, hein, c'est-à-dire en haut de nous. Un autre exemple qu'il mentionne, c'est le verset 10 dans Surat Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. C'est vers lui que monte la bonne parole. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ. Et la bonne action l'élève. Et la bonne action l'élève. C'est-à-dire la bonne action élève la bonne parole. La bonne action élève la bonne parole. Hein, parce que dans l'explication, dans le tafsir de ce verset, c'est que la bonne parole, quand tu dis une bonne parole, elle reste là, jusqu'à ce qu'il y ait l'application et la pratique, et c'est quand tu la mets en application, cette parole, que elle monte au ciel, hein, elle est soulevée par l'action. Na'am. Et un autre verset qu'il mentionne ensuite, wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, c'est-à-dire, et il est le contraignant, al-qahir, au-dessus de son serviteur. Au-dessus de son serviteur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Un autre verset qu'il mentionne, le verset 5, ça c'était le verset 18 dans Surat Al-An'am. Maintenant le verset 55 dans Surat Al-Imran. Ô Isa, hein, je vais te faire monter vers moi. Hein, je vais te faire monter vers moi. Je vais prendre ton âme et te faire monter vers moi. Ça dit, je vais te prendre ton corps et ton âme, je vais te faire monter vers moi. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Et il dit dans un autre verset, le verset 158 dans Sourate An-Nisa, bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Mais Allah l'a élevé vers lui. Wa dhakara min hadith Malik, qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lil jariya, qalat fi as-sama'. Yani qala ayna Allah. قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال فاعتقها فإنها مؤمنة. Donc ça c'est une preuve aussi à propos du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. C'est le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, c'est un hadith sahih. Il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a demandé à la jeune esclave, où est Allah? Il a posé la question, où est Allah? Ça c'est la preuve que de poser la question, où est Allah, c'est pas interdit dans l'islam, contrairement à ce que prétendent les Ahbash et les gens de Bid'a comme les Mu'tazila et les Asha'ira, les Jahmiya. Eux ils disent non, astaghfirullah, t'as pas le droit de demander où est Allah, hein? Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la question, où est Allah? Hein? Et elle a répondu fis sama. Donc ça c'est la preuve que c'est permis de répondre cette réponse, que Allah est au-dessus de sa création, il est dans les cieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ensuite, woman ana, qui suis-je? Elle a demandé à la jeune esclave, qui suis-je? Et elle a répondu, tu es le messager d'Allah. Alors il lui a dit, libère-la car c'est une croyante, libère-la car c'est une croyante. Donc ça c'est un hadith sahih qui prouve clairement que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa création dans les cieux. وقال والأحاديث في مثل هذا كثيرة جدا فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض لا إله إلا هو العلي العظيم. Donc il dit les hadiths à ce sujet-là sont très nombreux. Et donc, louange et gloire à celui dont la science de ce qui est dans les cieux est comme la science de ce qui est sur la terre. C'est-à-dire, il connaît tout, ce qui est dans les cieux et sur la terre. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il est le très haut, le très grand. Donc, ça c'est par rapport à ce qui a été dit à ce sujet-là. Il dit « وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ بَابُ الْإِمَانِ بِصِفَاتِ اللَّهِ ». Donc, il dit, avant ça, il a mentionné la foi en... le chapitre au sujet de la foi en les attributs d'Allah. Donc à propos de la définition de qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, wala ahuddu fi haddan, Cheikh Ibn Baz il explique aussi encore, yani la aqulu yanzilu kadha wala kadha, yani la ukayif. Donc la ahuddu fihi haddan, ça veut dire je rentre pas dans le commun et la description. Je ne cherche pas à dire il descend de telle façon ou de telle façon, hein? Ou je pose pas la question, je veux pas rentrer dans le commun. Yanzilu kama yasha subhanahu wa ta'ala la ya'lamu kayfa yanzilu illa huwa kama annahu istawa 'ala al-'arsh kama yasha wa la ya'lamu kayfiyata istiwa'ihi إلا هو سبحانه وتعالى وهكذا بقية الصفات لا يعلم كيف يرضى ولا كيف يغضب ولا كيف يجيء يوم القيامة ولا كيف يضحك إلا هو سبحانه وتعالى الكيفية إليه سبحانه وتعالى هو أعلم بها جل وعلا إنما علينا الإيمان بما أخبرنا به من ضحك ورضا وغضب ورحمة وعلم وسمع وبصر ونزول واستواء نؤمن بها كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى لا يعلم كيف صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique, il dit, il y a personne qui sait le commun des attributs d'Allah. Allah descend comme il veut et il y a personne qui sait comment il descend excepté lui. Et il s'est élevé au-dessus de son trône. Et il y a personne qui sait comment il s'est élevé au-dessus de son trône excepté lui. Et de même pour toutes les autres attributs. C'est la même chose pour toutes les autres attributs. Personne ne sait le commun de son agrément, le commun de sa colère, le commun de comment il va venir au jour de la résurrection, le commun de son rire, comment il rit. Il n'y a personne qui sait ça excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et le commun, c'est à Allah que ça revient. Et c'est lui qui le connaît. Et c'est lui qui sait comment il est et comment sont ses attributs. Et nous, la seule chose qu'on a à faire là-dedans, c'est de croire. De croire en Allah tel qu'il nous a informé à son sujet. Que ce soit comment il rit, hein, le rire d'Allah, on doit croire en le rire d'Allah tel qu'il nous l'a dit. Et l'agrément, et la colère, et la miséricorde, et la science, et lui, et la vue d'Allah, et la descente, et le fait qu'il s'est élevé sur le trône, tout ça on doit croire en ces textes-là et en ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là, tel que ça a été rapporté dans les textes, de la manière que ça convient à Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne connaît le commun de ses attributs excepté lui. Aïnaam. سؤال وفي نسخة أمروا بها أجاب سماحته يعني أمروا بالإيمان بها معنى أمروها يعني لا أغير فيها شيئا ولا أحد حدا أمروها كما جاءت يعني croyez en les textes qui sont mentionnés au sujet des attributs d'Allah tels qu'ils sont. Prenez-les sans rien changer dedans et sans essayer de rentrer dans le commun ou essayer de les interpréter à la façon des Jahmiyyah, mais prenez-les tels qu'ils sont. Donc ça c'est l'explication ici à propos de ça. À propos du hadith de la jeune esclave, quand elle a dit que Allah est dans les cieux, Cheikh bin Baz il a dit هذا وصفه جل وعلا عند جميع أهل السنة العلو صفة ذات وأجمع عليها العلماء ودلت عليه الفطرة الله فطر العباد على الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى وأنه فوق الجميع جل وعلا حتى البهائم فطرها على رفع رأسها إلى السماء عندما يحزمها شيء. Donc le cheikh il dit que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus des cieux, ça c'est quelque chose, tous les gens de la sunna sont d'accord sur ça, que Allah il a comme attribut le fait qu'il est élevé, qu'il est au-dessus. Et tous les ulama sont d'accord sur ça, et c'est quelque chose même qui fait partie de la fitra, qui fait partie de l'essence, de la nature même de l'homme, et de la nature sur laquelle Allah l'a créé. C'est-à-dire que Allah a créé les créatures avec en eux-mêmes, dans leur âme, la foi que Allah est au-dessus de sa création. Quand quelqu'un il a un malheur ou une détresse ou un problème ou quoi, la première chose qu'il fait, il lève les mains vers le ciel, il lève ses yeux vers le ciel, il implore Allah. Il n'y a personne qui va se tourner vers le plancher ou vers autre chose. Hein? Ça c'est la fitra. Et donc Allah il a créé ça en l'homme. Il dit même que même des animaux parfois ils lèvent leur tête vers le ciel lorsqu'ils ont un problème ou lorsqu'ils ont un danger ou un malheur. Donc ça fait partie de la nature que Allah a créé, par laquelle il a créé sa créature. Et il dit fal maqsoud an al fitra dallat ala uluwihi wa ja'at an nusus bi dhalik wa ja'a al kitab wa as sunnah المطهرة الكتاب العظيم والسنة المطهرة جاء وجاء الأنبياء جميعا بالإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى. وأما الاستواء فهو بالنص بالنقل, استواءه على العرش جاءت به النصوص النقلية السمعية. فالاستواء والعلو كلاهما صفتان عظيمتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى. أما العلو فبالفطرة والعقل والنص جميعا, وأما الاستواء فبالنص والسمع كما جاءت به النصوص يعني الكتاب والسنة. Donc le cheikh il explique qu'il y a une différence entre l'attribut de al-ulu et l'attribut de al-istiwa. Al-ulu c'est quelque chose qui est affirmé par la nature, la fitra, et par les textes, et par la raison. Hein? Et donc, tout le monde yani, a ça en lui-même. Et donc, même si quelqu'un, par exemple, il n'avait pas, disons, une preuve textuelle que Allah est élevé au-dessus de sa création, au-dessus de tout, et qu'il est élevé, eh bien, en nous-mêmes, on le sait et on le sent, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Tandis que l'élévation d'Allah au-dessus de son trône, al-istiwa ala al-arsh, ça c'est uniquement connu par les textes. C'est pas quelque chose qui est dans la fitra. Hein? Al-ulu, c'est dans la fitra. Al-ulu, comme les noms que Allah a mentionnés dans le Coran, qu'il est al-ali. Al-ali, ça veut dire le très haut. Et al-a'la, ça veut dire le plus haut. Sabbih isma rabbika al-a'la. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-a'la. Il est le plus haut. Hein? Et donc, il a un des attributs, son attribut c'est al-ulu. Al-ulu ça veut dire d'être élevé, d'être au-dessus. Et donc, ça c'est quelque chose qui fait partie de la fitra. Tandis qu'al-istiwa, ça c'est quelque chose que tu peux uniquement connaître par les textes de la révélation. Et par ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna au sujet du fait que Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Donc al-ulu et al-istiwa sont deux attributs qui sont très importants, très grandes parmi les attributs qui sont affirmés à Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que, mais par contre al-ulu est connu par la fitra, par la raison et par les textes, tandis que al-istiwa est uniquement connu par les textes, qu'est-ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna. Voilà une distinction qui est mentionnée à ce sujet-là, et donc ça c'est très très important. Je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Puis, on continuera au prochain cours, Inch'Allah, pour la suite de ce cours. Je voulais commencer à expliquer un point un peu plus historique aujourd'hui, mais je pense que on va laisser ça à la prochaine fois. Inch'Allah, je voulais parler de comment la croyance des Asha'ira a pénétré dans le nord de l'Afrique, l'Afrique du Nord. Comment en Afrique du Nord la croyance des Asha'ira s'est propagée, et qu'est-ce qui a été la cause de la propagation de la aqida des Asha'ira en Afrique du Nord, sur le plan historique. Donc peut-être qu'on en parlera dans un des cours à l'avenir, Inch'Allah. J'avais ramené la traduction du livre de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, l'histoire de la croyance islamique. C'est un livre que j'ai traduit il y a quelques années, puis il a été publié en France. Donc dans ce livre-là, à la page à la page 106-107, il y a le début de l'explication de la secte qu'on appelle la secte de Al-Ash'ariya Al-Kullabiya. Et donc je voulais juste vous lire en fait de la page 106 à 114 pour vous donner une petite connaissance historique sur comment ces gens-là se sont propagés en Afrique du Nord, mais on pourra faire ça dans un cours plus tard, Inch'Allah. Sinon, il y a un livre que j'ai à la maison aussi qui en parle un peu plus en détail, en arabe. Donc, on verra, Inch'Allah, peut-être que je partagerai ça avec les frères, si je peux le traduire en écrit. Et puis après, je pourrai le faire partager aux frères avec des photocopies, Inch'Allah. Et là, donc, je vais...